La revue d'internet russe Rintchuti a fait une rédaction spéciale le 30 septembre à l'occasion du 70e anniversaire de l'université Kim Il-sung. Elle a donné un article titré « Sanctuaire suprême de l'enseignement de sciences Rintchuti » avec la photo de la statue du dirigeant Kim Jong-il à l'université.